nous avons dormi. Au Malibu, nous avons dormi. Héros du novella, toi, ma fiancée promise, et moi, ton chevalier attendu. Le 28 novembre de Bucaramanga, je suis parti. Car Cince l'écho revêtait ses atouts revers pour toi. Pour dire adieu à leur poète, voisin et frère était là. Des pages des petits neveux, des grands-parents de Tolou sont venus. Peyo Swala et aussi Edith, paré pour la fête resplendissait. Et mamie Loli a organisé tes vœux avec Diego et Zamira. Ton frère Ouin t'a conduit dans une calèche d'acajou. Vers l'église de ton enfance, princesse turque et des Caraïbes. Mes parents Flavio et Zori ont partagé des dîners avec Loli, avec tes tantes et tes oncles, louant notre engagement. À la Vierge tu as offert tes roses, et devant toute la savane, je t'ai chanté que notre union est bien plus qu'un pacte. C'est promis, c'est moi ton chevalier attendu. Peyo Swala et aussi Edith, paré pour la fête, resplendissait. Et mamie Loli a organisé tes vœux avec Diego et Zamira. Peyo Swala et aussi Edith, paré pour la fête, resplendissait. Et mamie Loli a organisé.